Bonjour, on vous le dit tout de suite, dans ce Peace Nordique, il va y avoir du beau monde. Et préparez-vous à faire quelques allers-retours entre la rédaction de Nordic Magazine et Oberstdorf. Oberstdorf, où, comme on vous l'a dit, il fait très beau pour une fin février. Grand ciel bleu, les Alpes bavaroises au sommet enneigé pour décor, des gradins avec des silhouettes en carton, des Français qui skient en t-shirt et une neige de printemps qui rappelle les championnats de France de ski nordique. Et pourtant, on est bien aux Mondiaux, qui, ce jeudi, ont distribué les premières médailles. Dans ce podcast, on appellera le combiné Laurent Mulletaler, qui demain va entrer en compétition, mais aussi Jules Lapierre, à qui Louis Schwartz a passé un petit coup de fil. On croisera aussi un certain Johannes Hussflot-Klebeu, et on n'oubliera pas les sauteuses qui ont terminé en fin d'après-midi leur concours sur Petit Tremplin. Mais avant tout ça, on vous dit l'essentiel, grâce à Mathis Fessard et son journal des Mondiaux. Bonjour Mathis. Bonjour Franck. On te retrouve donc pour le deuxième journal des Mondiaux de Oberstdorf. Eh oui, bien vu. Comme chaque jour, je vais vous résumer en quelques minutes l'actualité des Mondiaux de Oberstdorf. Et donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Au cours de mon journal, je vous parlerai des médailles du jour, je reviendrai sur le raté d'Oscar Svensson, sur l'incroyable engueulade entre les sœurs Hudnesveng, et je terminerai par vous donner une petite info sur le relais russe. Super. Eh bien, passons au résultat si tu veux bien. La journée a magnifiquement bien commencé puisqu'on a pu observer l'une des épreuves reines du ski de fond, à savoir le sprint. Et pour l'occasion, on en attendait beaucoup de celui qui a fait la une du dernier numéro de Nordic Magazine, Johannes Hussflot-Klebeu. Et la star norvégienne tout droit venue de Trondheim a assumé son statut et s'est imposée devant ses deux compatriotes, Erik Valnes et Håvard Solla Stokboel. Côté français, Richard Jouve est le seul tricolore à avoir été en demi-finale et il n'était pas loin d'accrocher sa place dans le top 6, Franck. C'est dommage pour Richard Jouve qu'on écoutera un peu plus tard dans cet épisode. Et je crois que derrière le trio de tête, on a un grand perdant suédois, non? Ah ça, pour être le grand perdant. On peut dire qu'Oscar Svensson en est un ce soir. Après une piètre 28e place dans les qualifs ce matin, il est parvenu à se hisser en finale. Alors on se disait pourquoi pas aller chercher une médaille pour lui. Eh bien ça, c'était sans compter sur sa stratégie ahurissante de faire quasi tout le parcours en poussée. Il n'avançait pas. Il le voyait, mais il ne réagissait pas et continuait de foncer tête baissée. Enfin, foncer est un bien grand mot. Oui, tu l'as dit. Il finit sixième aujourd'hui, mais je crois que ce n'est pas la seule histoire folle de la journée, n'est-ce pas? Ceux qui ont regardé notre site aujourd'hui ont sûrement vu l'info en avance, mais pour tous ceux qui seraient passés à côté, je vais vous résumer l'affaire. Nous sommes en fin de matinée, les sœurs Hudnesveng participent toutes les deux à la demi-finale du sprint dans la même série. Imaginez l'excitation de leur famille quand ils ont suivi ça depuis leur télé en Norvège. Oui, enfin, ça n'a pas duré. L'une des deux jumelles, Tiril, a malencontreusement marché sur le ski de sa sœur Lotta et lui a anéanti ses rêves de médaille. Et du coup, comment est-ce qu'elle l'a pris? Eh bien, tu te doutes bien qu'elle n'a pas apprécié. Elle s'en est même pris à sa frangine au micro des télévisions scandinaves en disant qu'elle est, je cite, parfois un peu idiote. Elle est même allée plus loin en disant, certes, ironiquement, mais en le disant quand même, je cite à nouveau, c'est mieux pour elle qu'elle aille vite en finale, sinon je vais la frapper. La coupable de la chute semblait dire que ça allait vite s'arranger entre elles, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour à l'hôtel a dû être électrique. Incroyable histoire de famille. Tu nous parles de la course d'âme là, ça a donné quoi en fait en termes de médailles? Eh bien, la favorite Lindvan a craqué dès la demi-finale. Elle a donc ouvert le tableau et a permis à sa compatriote Jonna Sundling de devenir championne du monde. Derrière elle, on retrouve Maiken Caspersen-Falla et Anna-Maria Lampitsch. Bon, merci Mathis pour ce point ski de fond, mais on n'a eu le droit qu'au sprint aujourd'hui à Oberstdorf? Eh non, tu fais bien de me lancer sur le sujet, Franck. En fin d'après-midi, les dames se sont emparées du petit tremplin bavarois. Et pour l'occasion, la Slovène Emma Klinieč s'est emparée de la breloque dorée devant Maren Lundby et Sara Takanashi. Nos Françaises étaient deux au départ aujourd'hui, Joséphine Panier et Julia Claire. Les deux femmes ont respectivement terminé 16 et 17e. Tu en as terminé avec les résultats? Je vous ai parlé des 9 médaillés, donc c'est tout bon pour moi à ce niveau-là. Mais avant de laisser nos auditeurs, Franck, j'ai une petite info à leur donner. Ah, je me doutais bien que tu n'avais pas encore fini. Allez, dis-nous tout. Là aussi, nous en avons déjà parlé un peu plus tôt dans la journée sur nordicmag.info. Et cette news, elle concerne un Russe nommé Sergei Ustugov. Lui qui n'était pas certain de pouvoir participer au sprint après sa blessure lors d'un entraînement ce dimanche, il a finalement réussi sa compétition en terminant 5e juste derrière Alexander Bolchunov. Outre ce bon résultat, c'est sa place sur le relais qui a peut-être été jouée ce jeudi. Son entraîneur a déclaré au micro de Match TV, je cite, « Sergei a demandé hier quels étaient les critères de sélection. Nous avons donc répondu première ou deuxième place parmi les gars russes. » Fin de la citation. En toute vraisemblance, Franck, Ustugov, qui n'était pas forcément prévu au départ, devrait être aligné sur ce relais. Eh bien, on suivra ça de près. Merci Mathis pour ce deuxième numéro du Journal des Mondiaux. On te retrouve juste après le coup de fil à un ami entre Louis Schwartz et Jules Lapierre pour clôturer Piste Nordique avec le programme de demain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Louis. Après les sélections des petites nations mercredi, les choses sérieuses ont commencé pour les fondeurs. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et oui, tu l'as dit, ça y est, c'est parti pour le ski de fond à Oberstdorf. Et quel spectacle nous ont déjà offert ces athlètes. Te connaissant, tu vas nous parler d'un jeune Norvégien qui portait aujourd'hui le dossard de champion du monde en titre. Tu t'en doutes bien, je vais te parler aujourd'hui de Johannes Sveuteklebø. Et oui, on l'attendait vraiment car c'était pour lui, à 24 ans, la course de la saison. L'hiver a été spécial pour le Norvégien qui, certes, a été brillant toute la saison, mais bien trop rarement présent en Coupe du Monde. 6 courses au total pour 3 victoires, une de plus acquise sur le général du Ruka Triple, et 5 podiums au total. Ce jeudi 25 février, le prodige norvégien est encore plus rentré dans l'histoire de son sport. Que de superlatifs ! On sent bien que tu es fan du triple médaille olympique, quadruple champion du monde, et j'en passe, et j'en passe. Ouais bon, j'avoue que j'apprécie particulièrement cet athlète, et les raisons sont nombreuses. Mais je vais m'efforcer de retrouver mon objectivité. Revenons d'abord sur la course du jour, si tu le veux bien. Dès le matin, Klebø montrait qu'il allait falloir compter sur lui. Le meilleur temps des qualifications lui revenait largement, avec plus de 2 secondes d'avance. On pressentait d'ailleurs qu'il allait devoir batailler, mais avec un de ses coéquipiers, Erik Van Ness, c'est ça ? Oui, et comme on l'avait découvert à Ruka sur la toute première course de l'hiver, les deux hommes sont à un niveau très proche, désormais en sprint classique. Si on s'en souvient bien d'ailleurs, Erik Van Ness avait battu Klebø. Aujourd'hui encore, les deux pépites norvégiennes du sprint se sont donné rendez-vous sur la piste d'Oberstdorf. En manche finale, d'après ce que j'ai vu, ils ont veillé à se surveiller, on les a toujours vus ensemble. Oui, et comme on l'avait découvert à Ruka sur la toute première course de l'hiver, les deux hommes sont à un niveau très proche, désormais en sprint classique. Si on s'en souvient bien d'ailleurs, Erik Van Ness avait battu Klebø. Aujourd'hui encore, les deux pépites norvégiennes du sprint se sont donné rendez-vous sur la piste d'Oberstdorf. Et ce mano à mano a duré jusqu'au dénouement. En effet, ils ne se sont pas lâchés d'une spatule. En quart de finale, Klebø et Van Ness s'affrontaient déjà, mais s'envolaient largement devant, jusqu'à relâcher avant la ligne. En demi-finale encore, les deux Norvégiens se retrouvaient encore une fois à l'avant, avec un peu moins d'avance certes, mais ils allaient encore une fois prouver et montrer que ça allait se jouer entre eux aujourd'hui. Et ce mano à mano a duré jusqu'au dénouement. Eh oui, la finale tant attendue. On n'a cette saison jamais autant attendu une finale. Car au bout, il y a de l'or, une récompense ultime, une gloire éternelle. Et vous vous en doutez bien, Klebø n'a pas manqué à l'appel. Dans la bosse, Erik Van Ness était pourtant devant. Mais Johannes Sveuteklebø, toujours plus puissant sur une dernière ligne droite, s'est offert le scalp de son compatriote et a mis une spatule de plus dans le palmarès historique du ski de fond. Klebø gagne donc, mais il rentre aussi dans l'histoire de son sport. Oui, et cela témoigne déjà bien de l'empreinte du fondeur de Trondheim dans l'univers ski de fond. Aujourd'hui, Klebø est devenu le tout premier fondeur à conserver son titre mondial sur le sprint. Il l'avait emporté en style libre à Seefeld, et cette fois-ci en classique à Oberstdorf. L'avenir nous dira maintenant si ce sprint témoigne d'une grande forme du Johannes norvégien version ski de fond et s'il réussira de telles performances sur les prochaines courses de distance. Je ne sais pas trop quoi dire, j'ai été si nerveux ces derniers jours. C'est vraiment une saison étrange avec très peu de courses. Je pense que nous avons pris des décisions qui n'étaient pas si bonne que ça, lorsque nous étions assis à la maison à regarder le tour de ski. Maintenant, c'est vraiment génial et c'est juste un rêve qui devient réalité pour moi. Louis, sinon, ça a été quelque peu compliqué pour les Français aujourd'hui. C'est Richard Jouve qui s'en sort le mieux. Oui, comme tu le dis, Franck, on pouvait peut-être espérer mieux de ce sprint côté tricolore. Mais bon, c'est sûr qu'en classique, nos Français sont toujours moins à l'aise que les autres nations, et notamment les Scandinaves. Même s'il y a une belle progression ces dernières années et cet hiver, c'est sûr. Bref, Richard Jouve a en effet porté le plus haut la combinaison bleue ce jour avec une 7e place. Après avoir été éliminé en 3e position en demi-finale, c'est tout de même un bon résultat pour le sprinter de Méribel. Ouais, ça fait un bon résultat, 7. C'est sûr qu'on va pas cracher dessus, surtout en sprint classique. J'ai pas eu des super sprints classiques depuis le début de saison. Mais oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus fort que moi pour la médaille, mais il y avait possibilité largement d'aller en finale. J'ai été mieux sur la demi que sur le quart, bien agressif, mais il m'en a manqué un peu dans la ligne droite. J'ai un peu trop attendu, j'ai pas voulu gêner, j'ai pas voulu tomber, et ce qui fait que je passe pas en finale, quoi. Richard Jouve, qui est maintenant penché sur la suite et le team sprint de dimanche. Ouais, team sprint dimanche, donc team sprint skate, là je pense qu'on sera quand même plus à notre affaire. Évidemment, on aurait pu parler encore de la splendide victoire de Jonas Hundling chez les dames. Mathis a déjà évoqué en début d'émission la finale d'Ustiugov malgré les blessures, la brouille des sœurs Weng qui se sont chahutées pendant la course, mais aussi de la drôle de stratégie d'Oscar Svensson. Comme tu le vois, Franck, les mondiaux viennent à peine de commencer et il y a déjà beaucoup à dire. Une bonne raison pour se retrouver demain. Merci Louis. Salut et à très vite pour une nouvelle chronique ski de fond dans Piste Nordique. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique d'Arthur Massot. Chaque jour, dans Piste Nordique, il nous conte l'histoire d'un athlète d'une petite nation du Nordique. Aujourd'hui, il nous présente un sauteur bulgare, Vladimir Zokravski, c'est son nom. Il participe demain aux qualifications du petit tremplin. Bonjour Arthur. Bonjour Franck. Eh bien aujourd'hui, je vais parler d'un grand espoir qui n'a jamais réussi à percer. Pourtant, Vladimir Zokravski avait tout pour réussir. Son père, Émile, a participé deux fois à JO. En tant qu'entraîneur, il a fait de son fils une terreur des tremplins lors de sa jeunesse. Rends-toi compte, le voilà qui prend part à une coupe continentale dès ses 14 ans, à une coupe du monde à 15 ans. Il est ensuite champion du monde junior en 2011, et puis, à peine majeur, il y réalise une saison régulière et se classe 33e du circuit en 2012-2013. Et puis, c'est le passage à vide. La relation avec son père se complique, des fragilités mentales apparaissent. Un homme s'occupe alors de lui, l'Autrichien Alexander Pöntner. Il tente de le reconstruire et de le ramener vers le haut niveau. Le processus est long, mais réussi. À Pyeongchang en 2018, il fait son grand retour en terminant 14e du petit tremplin. Tout simplement, la meilleure performance en sauteur bulgare au jeu. Depuis, Vladimir Zokravski tente de retrouver plus facilement la lumière, plus régulièrement tout du moins, et ça passe peut-être par une stabilité personnelle. Il a trouvé l'amour avec une Polonaise et apprend désormais la langue de Camille Storlo. Demain, changement de continent avec le Nigérian Samuel Ikpefan, que l'on connaît bien en France puisqu'il est membre de la Team Panther. En combiné nordique, les compétitions officielles débutent demain vendredi avec le Gundersen petit tremplin masculin. Le jurassien Laurent Mulotaler en sera la meilleure chance française. Justement, à la veille de ce premier rendez-vous bavarois, Florian Burgot a interviewé l'ambitieux combiné des Rousses. Bonjour Laurent, merci de nous accorder de précieuses minutes à quelques heures de votre entrée en lice dans les championnats du monde d'Oberstdorf. Tout d'abord, comment vous sentez-vous à la veille de cette première compétition ? Je me sens plutôt bien, j'aime bien le tremplin. Je me sens bien. J'ai fait deux fois troisième des sauts d'essai, neuvième, huitième, enfin toujours bien dans le coup. Et j'espère pouvoir jouer devant demain dès la première compète au tremplin. Et après, tout faire pour rester devant sur les skis. Comme on l'a vu ce matin pour le ski de fond spécial, les conditions ne vont pas être faciles, notamment parce que vous allez skier l'après-midi sur une neige salée. C'est plutôt des conditions où on est bon au fartage. On est souvent meilleur au fartage quand c'est des conditions de printemps. On fait souvent des coups. Jarl Magnus Riber, l'homme qui domine le circuit, sera-t-il invincible ? Là, sur ce qu'il nous montre, de toute façon, depuis le début de la saison, et puis même là, sur les sauts d'essai, il est impressionnant. Donc, pour le battre... Faut vraiment être super solide quoi ce jour-là. Ouais. Mais bon, c'est la course d'un jour, c'est possible. Moi, je vois mal comment il peut être battu, mais c'est possible. Vous avez été blessé au bras à la fin de l'automne. Avez-vous pensé que votre participation aux mondiaux était compromise à ce moment-là ? Non, justement, après ma blessure, j'ai trouvé du positif un peu dans cette blessure. Je me suis accroché et ça m'a encore plus motivé pour arriver en forme ici justement. Revenu à la compétition, vous avez ensuite battu tous vos records en carrière avec ce joli top 10 de Kligenthal. Était-ce de la rage ou de la fraîcheur ? Ouais, la rage un petit peu de ce que j'ai vécu cet été, fin d'été avec la blessure, cet été où ça a été dur pour moi, où j'étais très fatigué tout le temps. Et puis avec la fraîcheur de cette fin de prépa presque un peu ralentie où mon corps se réparait et ça m'a fait du bien aussi de couper un tout petit peu et de revenir à fond avec le plaisir. Merci beaucoup Laurent. On vous retrouve ce vendredi dès 10h15 sur le petit tremplin du Schattenberg avec Antoine Gérard, Matteo Beau et Gaël Blondeau. Merci Franck et rendez-vous demain avec, espérons-le, de beaux résultats à annoncer. On sera au rendez-vous, merci à vous deux. Bonne soirée Florian et à demain. Merci Franck et rendez-vous demain avec, espérons-le, de beaux résultats à annoncer. Allez, on s'intéresse maintenant au saut spécial. Bonjour Marine Bouillet. Bonjour Franck, bonjour à tous. Cette fois, les mondiaux sont bien lancés. Oui, plus de doute. Les filles ont ouvert avec brio le bal sur le Schattenbergschanze d'Oberstdorf. Elle nous avait déjà promis un beau spectacle en qualification hier. En effet, souvenez-vous, hier c'est Sara Takanashi qui s'imposait en qualif. La japonaise n'en était pas à son coup d'essai. Elle a déjà 60 victoires à son actif et pourtant toujours aucun titre aux mondiaux. L'occasion aujourd'hui pour elle d'y remédier. Mais ça ne sera pas encore pour cette année. Et non, c'est finalement la jeune Emma Klinec qui s'impose pour son premier titre mondial. La jeune Slovène, en larmes dans la raquette d'arrivée, n'en croit pas ses yeux. Elle est en or devant les grandes championnes Maren Lundby et Sara Takanashi. Pourtant, rien n'était joué. Les quatre premières se tenaient en effet dans un mouchoir de poche. En première manche, l'Autrichienne Marita Kramer avait même explosé de 2 mètres le record du tremplin en se posant à 109 mètres. Elle termine finalement quatrième, ses rêves d'or s'étant envolés sur son dernier saut. Et qu'en est-il de nos deux bleus engagés? Eh bien, elles ont toutes les deux atteint le top 30 et même le top 20. Hier, Joséphine Panier sentait une couture de sa combinaison se découdre en plein vol. Résultat, une 33e place. Mais la vice-championne du monde junior s'est vite rattrapée. Elle termine aujourd'hui 16e et nous confie ses impressions. Et Julia Claire, satisfaite elle aussi? La sauteuse des Vosges termine, elle, aujourd'hui 17e. On retiendra son très beau deuxième saut à 97,50 m. Les Bleus attendent désormais la compétition sur grand tremplin la semaine prochaine. N'étant que deux, elles ne seront en effet pas alignées sur le par équipe demain. Mais suivez quand même bien ce concours qui s'annonce encore grandiose. Merci Marine, à demain. Merci Franck, merci à tous et à demain. Surtout ne vous sauvez pas. Pour son coup de fil à un ami, Louis Schwartz nous fait entrer dans l'hôtel des fondeurs français. On frappe à une porte et qui découvre-t-on? Jules Lapierre. On se fait tout petit et on écoute la conversation. Julo, ça fait plaisir de t'avoir avec nous pour le deuxième podcast. Du coup, t'es à Oberstdorf là depuis déjà quelques jours. Comment est l'ambiance avec le huis clos et entre les athlètes et tout? Est-ce que on a l'impression d'être au championnat du monde ou pas vraiment pour l'instant? Yo mon Louis, eh ben écoute, pour l'instant c'est bonne ambiance, c'est presque ambiance vacances parce qu'il fait grand beau et qu'on n'a pas encore attaqué les courses. Et... Du coup, pour l'instant, on fait du jus, comme on dit, et on est là, on est dans la piole. Aujourd'hui, c'est récup, sinon on fait des petites séances de ski, vitesse, on se prépare doucement. Après, mais bon, le chrono du week-end dernier, là, ça vous a déjà dû vous mettre un peu dedans, là, malgré tout, de reconfronter un peu les Russes après une longue période sans confronte, quoi. Ouais, ça nous a bien mis dedans de refaire un petit chrono, surtout avec qu'on n'était pas qu'entre Français, on avait un peu du monde pour tirer la bourre, du coup c'était pas mal de faire ça. Là on est un peu en mode en mode vacances, enfin pas vacances mais il fait grand beau. James il m'a dit pareil. Il y a des courses. Il y a pas encore des courses et du coup on profite pour l'instant quoi. Et puis vu que faut pas trop s'entraîner pour garder du jus, c'est assez cool. Ouais, du coup en fait là où pour l'instant vous êtes à l'hôtel, des longues journées où vous trouvez pour occuper le temps et en attendant d'arriver dans le vif du sujet quoi. Ouais, voilà, là on se met des films en ce moment, on a des petites projections, t'sais. on ponce un peu la télé et puis on bouquine, on fait des trucs, on déconne un peu, puis on passe un peu de temps en terrasse aussi, tu sais. Ouais, ok, je vois bien. Mais là, aujourd'hui, du coup, vous avez pu voir un peu le chaos de Richard, Lucas, Renaud et Valentin, là. Vous en avez pensé quoi, là, de l'extérieur, en tout cas? Ouais, bah, on est allé voir ce matin parce qu'on devait faire les Ok. tests antigènes au stade. Du coup, on allait voir la qualif vite fait. Et bon, déjà, quand on a vu Claybo passer à la qualif, mon gars, Il est c'était. dans un autre monde, Kleber. Ouais, bah, c'était impressionnant. Et après, ouais, les Français, putain, un peu deg de qu'ils soient pas allés un peu plus loin contre Ouais. tous. Et là, on les a vus Après, vite fait tout à l'heure, mais Richard septième, il devait être pas être mécontent. En tout cas, oui, tu veux toujours mieux, mais en vrai, il ouais. fait une belle course, quoi. Ouais, quand même, ouais, il fait quand même une belle course. Et puis on a vu qu'il avait quand même une belle ligne droite et il n'a pas manqué beaucoup pour aller chercher la finale. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est que bon, on n'a pas trop discuté avec eux encore, mais ce qu'on voyait, c'est que la médaille, elle était quand même très très dure à aller chercher là. Ouais, je Ça crois que paraissait un les peu. Norvégiens et les Scandinaves arrivent un peu le couteau entre les dents après leur début de saison où ils n'en ont pas fait beaucoup. Voilà, donc vous, l'objectif, c'est d'aller les chercher de toute façon, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Hein. C'est bon, on verra ce que ça donne, mais ils sont bien affûtés, les salauds. Mais bon, nous aussi, on est Ouais. chaud, on s'est bien préparé. On a un champion du monde qui est dans l'équipe et tout frais là. Ça va Ouais. envoyer. Ouais, il doit avoir le couteau entre les dents, lui. Ouais, il est là. Il... Comme d'hab. Ouais, bon, il a pris un peu le melon. Il faut un peu le calmer de temps en temps, mais. Non, je déconne, non, On non, le c'est bien. connaît, joueur, on connaît comment il peut être. C'est ça pour ça Non, qu'on l'aime. ça met la bonne ambiance d'avoir qu'il ait fait ces belles courses là, c'était cool. Ok. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Jules. Je te souhaite le meilleur pour les mondiaux, en espérant te voir avec un dossard sur le dos et à bientôt. Ouais, merci. Et puis ouais, on va tout donner, hein. Écoute, plaisir de On t'avoir eu. compte sur toi. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao. On accueille de nouveau Mathis Fessard qui va nous présenter le programme de demain. Eh oui, Franck, rebonjour. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce vendredi? Demain, ça sera la journée du tremplin. Dans un premier temps, c'est le combiné nordique masculin qui lancera les hostilités avec, à partir de 10h15, le concours de saut et 16h, la course de ski de fond. Ensuite, ce seront les sauteurs spéciaux qui auront leur moment de gloire. Les dames d'abord à partir de 17h15 avec le saut par équipe et ensuite les hommes à partir de 20h30 pour la qualification sur petit tremplin. Puis on retrouvera les fondeurs ce week-end, mais nous n'en sommes pas encore là. Merci Mathis. Au revoir à tous. Et à vous qui écoutez Piste Nordique, merci aussi. On vous retrouve demain pour le troisième épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, dont Spotify et Deezer. À très vite.